rappelles quand on était gamin, tous les délires qu'on a passés, les soirées fracassées, on s'était bien amusé. Je suis sûr que tu t'en souviens. On est amis comme ça, ouais on est. En temps de galère ou pas, mais on est amis comme ça, ouais on est. Te demande pas pourquoi, mais on est. Rien ne pourra nous arrêter. On n'est pas prêt de changer. Aucune meuf, aucun objet. On est amis comme ça, ouais putain, on est. Tu te rappelles ce bon vieux temps passé. On s'amusait bien, aucun souci, rien. Saint, gamin, destin loin. On bandait pour un rien, rien qu'un retour dans le temps. Pour se rappeler tous ces moments passés. Série d'enfants, quand on jouait, taper des délires sur des détails de passé. Puis on a grandi de l'âge pris, fait des conneries. Et maintenant on en rit, un beau passage de notre vie. Un beau passage de notre on vie. On est amis comme ça, ouais on est. En temps de galère ou pas, mais on est amis comme ça, ouais on est. Te demande pas pourquoi, mais on est. Rien ne pourra nous arrêter. On n'est pas prêt de changer. Aucune meuf, aucun objet. On est amis comme ça, ouais on est. Bien sûr je m'en souviens, c'était bon vieux temps, c'était bien. Mais y'a pas que ça, je te rappelle dans les soirées. Toujours coiffé, parfumé, histoire d'assurer. De montrer qu'on n'était pas des bébés. Toujours en chemise pour faire de bonnes prises. Même dans les moments de crise. Une vie pleine de surprises, toute la journée à rechercher. Des meufs sans queue mais on les laissait s'allécher. À imaginer ce qu'il allait se passer plus tard dans la soirée. On les invitait dans des restos très friqués. On laissait l'addition salée au moment de payer. Opération discrétion, facile d'aller aux chiottes, on va payer l'addition. On est amis comme ça, ouais on est. En temps de galère ou pas, mais on est amis comme ça, ouais on est. Te demande pas pourquoi, mais on est. Rien ne pourra nous arrêter. On n'est pas prêt de changer. Aucune meuf, aucun objet. On est amis comme ça, ouais. Tu te rappelles ces soirs où on faisait le mur pour aller voir les filles sûres. On flippait de se faire choper, mais on s'en foutait. Des excuses déjà préparées. Ça c'est bien vrai, rien que tu pensais. Je me vois encore escalader. Le grillage tout défoncé, du nombre de fois où on y est resté accroché. Et la fois où t'as voulu faire le beau avec ton nouveau vélo. T'as pris la pause de haut et à l'atterrissage, sur 20 mètres à traîner. T'as pas voulu lâcher, histoire de pas le rayer. Au bilan, tu t'es fracassé. Je me rappelle surtout le jour où on marchait dans la rue. Tu jouais avec mon couteau papillon. T'as pris le poteau de plein front. T'es resté sur le cul un quart d'heure pour réaliser ce qui s'était passé. Mais bon ça y est c'est fini. On a grandi, terminé les conneries. En clair de bons moments de nostalgie qui resteront gravés toute notre vie dans nos esprits. On est amis comme ça, ouais on est. En temps de galère ou pas, mais on est amis comme ça, ouais on est. Te demande pas pourquoi, mais on est. Rien ne pourra nous arrêter. On n'est pas prêt de changer. Aucune meuf, aucun objet. On est amis comme ça, ouais on est. On est amis comme ça, ouais on est. En temps de galère ou pas, mais on est. On est amis comme ça, ouais on est. Te demande pas pourquoi, mais on est. Rien ne pourra nous arrêter. On n'est pas prêt de changer. Aucune meuf, aucun objet. On est amis comme ça, ouais on est. On est amis comme ça, ouais on est. En temps de galère ou pas, mais on est. On est amis comme ça, ouais on est. Te demande pas pourquoi, mais on est. Rien ne pourra nous arrêter. On n'est pas prêt de changer. Aucune meuf, aucun objet. On est amis comme ça, ouais on est.